Assalamualaikum mbok yi waaw mbok auditeur yi ak auditrice merci wa sey dañu ñëwaat nak amna ñu jaaroon fi nak né suñu inspiration dafa jéxoon waye nak rek dañ doon installer logiciel anti pirate ndax bañoon rek ñen ñi pirater suñu lepp wa manam lool dong la woon quoi ndax ñun création naturelle lañ yor waaw ten la manam geej la dal manam bu jéx waaw bi nak mom suñu rew ba Sénégal xam nga ndaysan maire yi dañu faral di am jank moy jël ben xalé bu jigéen mu lay ligéeyal ligéey kër gi dal waaw ndaysan ki nak maire bi mom dafa am ben jankam bo xamne mo ngi du Fatou waye Fatou mom merci te Fatou mu xalé bi xawon rafet ni rek jek mom rek la yag toj sama jaf te grand dongo don ko jël grand dongo bi don bolu ci bop koñ merci légui Fatou nak mom maire bi daf ko jox ordre comme quoi legui ay chaque 19h yoy Fatou na dem boyle keurign quoi ouais. Na dem boyle xal and voilà pour bu jeukeram wacce dal mouturaay neeg bi ndaysan mais maire bi dafa setlu ne à chaque fois bu waxe boy bi demal boy bi dina fa yag ray ben 1h de temps wala 2h de temps tian dafa xam mais Fatou dal dina fa yagal ben père yag bo xamne maire bi day mer sax day ñew ne ko wa Fatou yow lo doon def ba légui Fatou ko fo reté war na neex ben jour dal maire bi ne wa xaaral ki il faut mu xam Fatou mi lu muy def bu yag parce ndax li mo mënul doon boyalu jamm rek du boyalu jamm Fatou ko fa té neex wa maire bi lendemain bi mu xaar Fatou di dem boyalé rek mu ne ko wa Fatou tay indil ma dem boyalé am tax lool atout tit nak tek nako dedet madame bayal rek ma boyal munako Fatou mané tay mom demal nga nopalu bayal ma boyali waw tay mom demal nga nopalu demal nga waxtana xalé nga fo mu boy Fatou lank mais mo bañ nako bo demul ak ma mais binako bo demul rek ma dak la tek xam nga rek ndaysan amul acidique njabot gi ci la yakar waw ndaysan rew mu la joge dekk ba la joge ñu fi daan dole waw Fatou ne comme non la ay ci sama dak mom mën na ñak waye maire bi dal yennu fourno bi moy fourno weñ yo non ñu doon defar ci koñ merci jël ko dem tek ko jël kërign bi tek xam nga fourno dafa gatt pour nga jot fourno bi fo nga tok yoy jonkon maire bi dafa wodd won par yalla jitalul dara allahu akbar maire bi moy ki da non téru jëkërëm légui bamu démé tek fourno bi tek lepp wara tok pour boyal nim toge rek sentir am lu ko duggu astaghfirullah manam lu duggu ci awra bi dal kon grand mais attends grand nogo moy soulu fofu nogo dafa bari technique nekata nogo mom da doon joxante ak Fatou dil bu waré koj Fatou comme keur ga tiol na mbedd bi day tiol legi nogo day ñew gas paxam teud sulli pascal Fatou bu ñew di boyal di tok di ciap di boyal yaay est ce que yaay comprendre waji très bien légui nak mère bam ñëwé tok rek am sentir na am lu ko dugg lo xamné dal li mom ma mère bi téggu na jaar la mukk xamna mère bi xamna merci mère bi dal affaire bi dugg ko li lan la affaire yi neex ci mom mère bi xawa yegg waccat affaire yi gëna neex mu yegg waccat affaire yi neex rek mu tek kërign bi rek dal commencé ëpp di yegg di wacc mer ba muy yegg di wacc di ëpp di ëpp ba kërign ba jeex mu tolli kërign di ëpp kërign ba jeex ak tolli kërign mu ëpp kërign ba jeex rek mu diko faatu ne ko naam mu ne ko dolli kërign faatu dolli kërign man fa la dawe ba len fa